C'est un mec de la zone, un vrai bandidos. Il cherche pas l'amour, lui il cherche que les pesos. Il esquive les menottes avec tous ses sauces. Il voit sa vie dans le bloc, il voit pas la vie en rose. J'espère qu'il va changer. Je suis un mec d'Astrid, je vais être le boss de la cité. J'ai toujours mon calibre, je reste dans mon coin matrixé. Mentalité Salvatore, tu me cherches, t'inquiète, je t'aurai. Le pactole on l'aura, pour ensuite s'évaporer. Et je dis pas je t'aime, j'ai la haine, je pense à des fils de chéri. Je pense qu'on veut, mais j'ai des blèmes. Et je dis flic, que me pister. Je veux Madonna Ima, je tire d'un jet. C'est un mec de la zone, un vrai bandidos. Il cherche pas l'amour, lui il cherche que les pesos. Il esquive les menottes avec tous ses sauces. Il voit sa vie dans le bloc, il voit pas la vie en rose. J'espère qu'il va changer. Quand tu es je veux Madonna Ima, je tire dans le jet pour l'anime. Faire le pain dans l'anonymat, mais la vie c'est pas un dessin animé. C'est un mec de